Chapitre 2e. Obdidil. Pardonnez-moi de vous déranger, messire, disait Godefroy au capitaine Belcoeur, mais je suis envoyé par mon maître, le sire de Mauvilliers, qui, ayant appris à qui il était redevable de la vie de sa fille, vous prie de lui faire l'honneur de vous présenter cet après-midi vers 3 heures à son hôtel pour vous exprimer sa gratitude. Fort bien, j'y serai. Mais, repartit Godefroy, monsieur de Mauvilliers désire vous remercier tous, et il pense que vos 3 amis voudront bien se joindre à votre honneur, comme on dit en Angleterre. C'est entendu, mon ami. Givry rejoignit les gentilshommes auxquels il fit part de l'invite. En l'écoutant, Hervé rougit et pâlit tour à tour. Mais nul n'y prit garde, et tous acceptèrent de rendre visite au lieutenant-gouverneur du Languedoc. Donc, à l'heure dite, les 4 amis sonnaient à l'hôtel de Mauvilliers. Le portier leur ouvrit et les fit entrer dans la vaste cour qu'il n'avait fait qu'entrevoir la nuit précédente à la lueur des torches. L'hôtel avait vraiment grand air. Un laquais les introduisit dans une magnifique antichambre somptueusement meublée et ornée. Presque tout de suite, une porte s'entrebâilla et Violaine parut. Elle s'avança vivement vers les visiteurs et leur tendit les mains avec grâce, un rayonnement dans les yeux. Lorsqu'elle aperçut Hervé, elle poussa un cri de surprise et ses joues se couvrirent d'une candide roseur. Le jeune homme paraissait aussi confus qu'elle-même. Cependant, Violaine de Mauvilliers précédait les jeunes gens dans un salon immense, luxueux, où les tapis, les tableaux, les tentures, les meubles, tout était artistique et précieux, notamment d'admirables émaux de Limoges et des faïences dues à Luca della Robbia. À peine était-il installé, le sire de Mauvilliers entra. C'était un homme grand et fort, touchant la 50aine. Il avait les cheveux drus et gris, les sourcils en broussaille, la barbe fournie et noire comme l'ébène. Ses yeux, épiants et furtifs, causaient une impression de malaise lorsque l'espace d'une seconde il se posait sur vous, froid, avec un reflet d'acier. Un regard de Belzébuth, se dit Belcoeur. Toutefois, le sire de Mauvilliers fut charmant pour ses hôtes et les accueillit avec de grands remerciements, de chaleureuses protestations de dévouement et d'amitié. Puis, s'asseyant entre Agrippa et Guillaume, il les interrogea, et peu à peu s'engagea dans une conversation très animée sur les chances des voyages à une époque troublée par les querelles religieuses, la famine et le mauvais état du royaume. Roselin et Hervé, près de Violaine, échangeaient quelques propos vifs et gais, parlant des fêtes de Toulouse, de la vie mondaine que l'on y menait, malgré la contrainte de la Ligue qui avait un centre très actif. Un laquais s'avança, murmura quelques mots à l'oreille du maître de la maison. Celui-ci s'écria aussitôt « Madame de Mauvilliers, bien que souffrante, me fait dire qu'elle veut voir et remercier les nobles cœurs qui ont secouru sa fille. Je suis ravi, messieurs, de pouvoir lui présenter des gentilshommes aussi accomplis. » Une femme entrait. Elle devait approcher de la 40aine, de taille moyenne, mais heureusement proportionnée. Elle avait un port gracile et harmonieux qui aurait fait envie à plus d'une damoiselle, blonde, le visage d'un ovale parfait. Certains de ses traits se retrouvaient chez Violaine. Elle paraissait affaiblie, presque diaphane, comme sous l'emprise d'une maladie grave qui la minait sourdement. Avec une aisance de grande dame, elle remercia les 4 jeunes gens et finit par accaparer Roselin, tandis que les autres reprenaient leur entretien interrompu. Violaine et Hervé, isolés dans un angle du salon, se regardaient timidement à la dérobée. « Pourquoi, monsieur, finit par dire la jeune fille, ne pas vous être montré cette nuit ?» Vous êtes dérobée à ma reconnaissance, c'est mal cela. Excusez-moi, mademoiselle. Une sotte timidité m'a seule retenue. Mais, en me portant secours, vous saviez qui vous secouriez. Pontréal se troubla un peu. Je dois avouer que oui, mademoiselle, mais c'était par un simple hasard. Elle sourit malicieusement. Et à l'église Saint-Cernin? Est-ce par hasard aussi que chaque dimanche, je vous rencontre à l'entrée de la messe, tout prêt à me tendre vos doigts mouillés d'eau bénite? « Mademoiselle, » balbutia Hervé, « mais il n'y a aucun mal à cela, messire, inutile de vous en défendre. Quoi qu'il en soit, je vous demande pardon de ma conduite passée et m'engage sur l'honneur à ne plus chercher à vous rencontrer jamais. Certes, approuva-t-elle, à quoi bon désormais, puisque vous pourrez me voir ici quand il vous plaira. » Tant de charme ingénu bouleversa le chevalier qui murmura, enivré, « Oh, demoiselle, ne vous moquez-vous pas. Dieu m'est témoin que non. Sachez au contraire, monsieur de Pontréal, que je serai toujours ravi de vous revoir. » Roselin et ses amis se levaient précisément pour prendre congé. Hervé les maudit à part soi. Il serait resté là longtemps encore, s'il l'avait pu, à bavarder avec cet exquis enfant impulsif et sincère, à contempler son regard céleste, à entendre sa voix d'or. Dehors, Roselin déclara crûment. En vérité, de toute la famille de Mauvilliers, Mademoiselle Violaine est la seule personne qui me plaise, messieurs, et à vous ? Oui, dit la varenne. Le sire de Mauvilliers me paraît un singulier personnage, et sa femme une étrange créature qui doit cacher quelque terrible secret. Avez-vous remarqué ses yeux toujours fixés sur un objet lointain ? Jadis, fit Agrippa, j'ai fort entendu parler par mon père d'un sire urbain de Mauvilliers, qui était un gentillâtre sans sou ni maille. Je me demande si c'est là le même que le riche lieutenant gouverneur du Languedoc. Qui sait ? Dit Roselin, il aura fait fortune. Noblesse de corde ! Opina la varenne avec mépris. Hervé était resté étranger à cet entretien, qu'il n'entendait même pas, tellement son esprit était absorbé par les souvenirs qu'il emportait de l'hôtel de Mauvilliers. Car depuis 3 semaines qu'il habitait à nouveau à Toulouse, Ponrial était amoureux. Dès sa première rencontre avec Violaine, il avait été séduit par le charme rare de la jeune fille. À chaque nouvelle entrevue, ce sentiment grandissait comme une fleur inondée de soleil. Aujourd'hui, Hervé ne se dissimulait plus qu'il aimait Violaine. Il l'avoua à Roselin, lequel avait vite deviné son secret. Belcoeur inspira à l'orphelin une affection et une confiance en borne. À quel autre aurait-il confié son amour, puisqu'il avait perdu le seul être au monde qui jusqu'ici lui témoignait de l'intérêt ? Or, c'est le propre des amoureux, à l'aube de leur passion, de chercher un confident et de parler de l'objet aimé. Belcoeur, jeune comme lui, ardent comme lui, était tout désigné pour remplir ce rôle. « Mon ami, ayez bon espoir, » dit Roselin. « La jolie demoiselle Violaine vous regarde des mêmes yeux que Nausicaa a regardé Ulysse dans l'île des Phéaciens. » « Oserais-je le croire ? Vous savez bien, mon cher Givry, que je suis pauvre, sans relation, sans famille, sans nom même. » Et la riche, fille du lieutenant-gouverneur de la province. Et après, fit Belcoeur, superbe de confiance, ignorez-vous que Messire Cupidon est un dieu qui se moque fort de la fortune, de la naissance et du rang ? Il se plaît, au contraire, dirait-on, à ferrir de la même flèche deux êtres que tout semblait séparer. Courage, je vous le répète, mon ami, si Violaine ne vous aime pas encore, elle en est bien près, et il n'y a qu'à attendre. Ce sera un rêve trop adorable. « Trop beau pour moi, » soupira l'amoureux. « Ne me trompez point, je vous en conjure. Le réveil serait si cruel. »« Eh, vous êtes éveillé, ventre de biche, » jura Roselin. « Il ne s'agit point justement de vous endormir. Luttez, agitez-vous, faites-vous voir, faites-vous aimer. Que diable, ce n'est pas difficile, cela. » Hervé regarda le capitaine avec stupeur. « Pas difficile, » répéta-t-il. « Oh, comme on voit bien, mon cher Roselin, que vous avez été, que vous êtes encore un privilégié de la Providence. Mais moi, dès ma naissance, j'étais accablé. Puis-je avoir confiance en la destinée qui s'est toujours montrée si ingrate ? Mordieu, forcez-la à se montrer douce et souriante, voilà tout. Allons, allons, trêve de timidité et de doute en vous-même. Vous qui vous comportez si bien devant des assaillants armés de pied en cap, allez-vous trembler devant une petite fille innocente et amoureuse ? Oh ! S'exclama Hervé, ce n'est pas la même chose. Je braverais 100 hommes plutôt que de me trouver devant une Violaine courroucée. Givry éclata de rire. Mais ce n'était point par moquerie. Il comprenait toutes les formes de l'amour et sa tyrannie douce, et devant lui passait l'idéale figure de la comtesse d'Olgier.